quand votre futur deviendra votre présent, vous serez immobile. Ma noirceur t'oppresse quand elle titille tes nerfs. Bienvenue dans mon fief, appelle-moi le prince des ténèbres. Je revendique ce côté sombre, il fait partie de mon être. Je me complais dans l'ombre, j'y suis assorti mon frère. Je ne prétends pas être indétrônable. Je ne cherche pas ma place dans ce jeu, non je trouve ça trop naze. Je ne rappe pas pour que mes sons passent en boîte. Je m'en bats de leur marché, je veux juste rapper pour que les basses en boîte. Pour que mes gars planent sans blague et se tapent des flashs gros. Si je compte mes femmes, même sans starflamme, j'ai plus d'un agro. Les hématomes je provoque ne se soignent pas avec de la pommade. Gros je connais des plans qui rappent mieux que sans la pommade. Ça pisse le sang, c'est pas de la tomate. Je te parle de son, pas de bastonnade. Si je te demande à Saint Thomas, à chaque écoute je provoque un trauma. Et t'en fais pas mon gars, pour entrer dans mon monde faut moins de 20$. T'es hors demande et bien voilà de l'art. Pour certains véritables, pour d'autres dérisoires. Mais je m'attelle à la tâche, quoi qu'ils pensent de mon peuraille. Je me martèle un rapace qui sait déjà que tu seras son repas. Je te mentirais si je te disais que je ne sombre pas dans le vice. Mes défauts tu sais sont nombreux gars. Mais je n'en tire aucune fierté, sache ça. Le bonheur ne s'achète pas, encore moins dans des sachets sales. Moi je suis pas seul, même si c'est comme ça que je vis le mieux. J'avance selon mes convictions, je n'ai pas besoin de la vie d'un dieu. Pourquoi d'horreur, la religion est-elle avide? Et ne me dis pas le contraire, elle a bien prouvé à Tel Aviv. Quand je vois ce qui se passe autour de moi, je comprends les crises de foi qu'on crie notre rage sur tous les rois. Pourquoi je flippe à chaque fois que je pense à la fin du mois? Pourquoi je bosse et que je n'ai pas l'impression d'être à l'abri de la fin? Dis-moi, pourquoi ces questions dans ma tête provoquent un grand fracas? Si l'argent n'a pas d'odeur, pourquoi certains trouvent sans tracas? Je dis pas qu'il fait le bonheur, mais dans ce monde il est vital. Malheureusement sans lui, souvent la corde devient inévitable. Et ça me fait pas marrer de te dire que tout tient à un fil. Que s'il le souhaite, rien ne les empêche de te couper les vivres. Pour te faire arrêter de penser, il suffit de te rendre ivre. Ils l'ont bien capté, t'apprends sur ta télé, plus dans les livres. Si au moins, ils te proposent des sujets sensés. Mais non, c'est juste des dessins du sang à toutes les sauces. Et puis, c'est toujours les mêmes histoires qu'ils s'amusent à balancer. On n'est conditionné à croire des vérités faussées. J'ai un penchant dark, mais rien de magique comme Gandalf. Quand j'agite ma plume, tu remarques que chez mon rap sans strass. Le stress n'est pas rarissime, faut vite que je me barre d'ici. J'écouterai pas leur ramassis de conneries à propos de Kadhafi. Et quoi t'as pas saisi, hein? Qu'ils te prennent pour un con, regarde autour de toi. Le monde d'un champ, les champs des moutons. Qu'est-ce qu'on se marre, ou on nage dans l'ivresse. On préfère 10 mensonges qui plaisent plutôt qu'une vérité qui blesse. C'est simplement parce que l'humain est bien trop faible. S'attaque à ses frères, adversaires frêles, y'a du tracas à se faire. L'insécurité, parlons-en, ne me dis pas que t'as pas peur quand certains représentants de l'ordre sont les tabasseurs. Ah ouais, ça comme dur, hein? Non, ça rigole plus. Les ordres viennent d'au-dessus, donc tu la fermes et puis tu postures. Pas besoin que tu postules, non, de rien tu t'occupes. C'est eux qui tiennent les rênes, et puis tes règles, tu peux te les foutre au cul. Ça serait pas plus mal qu'on revienne au troc, hein? Que tu pèses vraiment la valeur de la pomme dans laquelle tu croques. Tu ne risques pas de perdre un proche pour quelques billets, que la taille de tes poches n'est jamais à être estimée. J'aimerais que la valeur de chacun ne se résume pas à des chiffres et des lettres sur une pierre posthume, mais bien à la taille de ses actes, de ses qualités, de ses lacunes. Je sais, on n'en a qu'une. Déjà, cette pensée me désarme. Si l'espoir fait vivre, j'espère ne pas mourir trop tard. À quoi bon de parler d'avenir? Personne ne sait ce qui lui prépare. Je suis pas fan de faux espoirs. Je te dirai pas que tout ira bien, qu'il n'y aura plus de charruesse sur le sol irakien. Méfie-toi de ceux qui prétendent tout connaître. Si la vérité est ailleurs, le mensonge est bien sur notre planète. Et chaque jour, je le vois là, gagner du terrain, déguisé en Dieu ou en Allah, pauvre de nous, t'es rien. On broute, on picore, on s'en plaint, mais on vote encore. On roule, on picole, on est plein, on vole dans le décor. Rien ne change, sauf les mots dans ces métaphores. D'un saut de l'ange, tu tombes de haut quand les choses sont faites à tort. Moi, je tente de transmettre des valeurs qu'on néglige à mort. Tu sais, même le plus grand des voleurs peut avoir un cœur en or. Entre partir ou rester, on hésite à force. Pour t'en sortir, faut lutter, donc m'hésite à force. Si t'entends des cris dans mes écrits, c'est qu'ils décrivent ce monde. J'en suis pas aigri, c'est juste que je te dis ce qu'ils me montrent. Ne confonds pas mon scepticisme avec du défaitisme. Je négativise pas quand je te dis que la masse est dépressive. Ils veulent que tout aille très très vite, que tout soit très précis, que leur avenir leur soit prédit et qu'il n'y ait pas de surprise. Mais soit, en fin de compte, on s'habitue à cette froideur. Si j'étais peinte, la toile de ce monde ne serait qu'un dégradé de noirceur. Posté dans le milieu. Posté dans le milieu. C'est un superstitieux.